commencer ce texte par une belle introduction. J'ai oublié de vous préparer avant d'entrer en action. J'ai oublié de vous prévenir que je m'aperçois que dans ma vie, j'ai oublié pas mal de choses si vous voulez mon avis. J'ai oublié d'être sage, j'ai oublié d'être prudent. J'ai oublié de me ménager et je me suis cassé les dents. On m'a dit qu'on ne pouvait pas être et avoir été. Moi j'ai oublié de faire attention à moi une nuit d'été. J'ai oublié ce que c'est de courir derrière un ballon. J'ai oublié d'être fort comme Achille et son talon. J'ai oublié de remercier mes parents pour tout ce qu'ils ont fait. Mais je suis pas doué pour ce genre de truc, c'est pas moi le fils parfait. J'ai oublié de prendre des risques dans l'ensemble de mon parcours. Et quand je regarde derrière moi, parfois j'ai le souffle court. J'ai traversé les années plus vite qu'on passe un péage. J'ai oublié de prendre le temps de voir passer les nuages. J'ai oublié d'écrire un texte sur la force de l'amitié, qui met l'amour à l'amende dont la faiblesse me fait pitié. Y'a pas beaucoup de meufs qui m'ont vraiment fait me retourner. J'ai oublié de tomber amoureux depuis quelques années. J'ai oublié d'imaginer de quoi seront faites les années prochaines. Et quand on me parle de l'avenir, j'ai tendance à changer de chaîne. J'ai oublié de payer mon amende pour m'être garé devant la station. Tant pis pour moi, maintenant j'ai 30% de majoration. J'ai oublié de faire en sorte que ce texte soit structuré. Ça part dans tous les sens tant que ma feuille n'est pas saturée. J'ai oublié de mettre des baguilles et des ensembles en peau de pêche. J'ai oublié d'avoir du style et c'est comme ça depuis la crèche. J'ai oublié de chialer depuis un sacré bout de temps. Une sorte de sécheresse ophtalmique, c'en est presque inquiétant. Je sais pas si c'est normal, mais c'est vrai que pour être franc, la dernière fois que j'ai versé une larme, on achetait le pain avec des francs. Dans ces vers, j'ai oublié d'arrêter de parler de moi. J'ai oublié de m'oublier, comme un premier samedi du mois. J'ai l'impression de me mettre à poil depuis bientôt un quart d'heure. Sur ce coup-là, j'ai oublié de garder pas mal de pudeur. J'ai oublié de croire en l'existence d'un être supérieur. J'aime pas les jeux de hasard, j'ai toujours été mauvais parieur. Par ailleurs, tant mieux, car je pourrais pas m'empêcher, me dépêcher de me sauver pour pas confesser mes péchés. J'ai la pêche et à cette façade, faut pas forcément te fier. J'ai pas oublié d'être un con fier qui a du mal à se confier. J'ai oublié de me plaindre quand ça en valait la peine. J'ai oublié d'ouvrir les vannes quand la coupe était pleine. À ce putain de texte, j'ai oublié de trouver une chute, comme un cascadeur qui saute d'un avion sans parachute. Mais chut, faut que je me taise car maintenant c'est la fin. À vrai dire, pas tout à fait, car pour l'instant j'ai encore faim. J'ai oublié d'écrire ce que je crois et ce que je pense vraiment. J'ai oublié de croire à ce que j'écris machinalement, mais finalement c'est peut-être mieux, car se rappeler c'est subir. J'ai oublié de penser qu'il était préférable de se souvenir. J'ai oublié mon flow, j'ai oublié mon stylo, j'ai oublié mon micro et j'ai oublié tous les mots. J'ai oublié des tas de sujets, vous avez compris le concept. Alors pour pas trop vous saouler, je vais m'arrêter d'un coup sec.